Et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. C'est la première émission de l'année 2024 et cette émission est consacrée à une rétrospective de l'année avec une sélection de 11 artistes qui ont marqué l'année et je vous les propose sans tenir compte de leur position palmarès. On va donc entendre David Gilmour d'Angleterre, Leon Alvaredo des États-Unis, House du Québec, Carfagen d'Ukraine, on aura aussi Beardfish de la Suède, ça sera suivi de Baroque Project d'Italie, on aura aussi Pure Reason Revolution d'Angleterre et de la Finlande, on entendra Fouette, ensuite ça sera Monkey Tree de la Suisse et en dernier bloc d'émission, on aura le Québécois Red Sand et l'Américain Neil Morse. Alors on débute avec le guitariste le plus connu du rock progressif, et en la personne de David Gilmour, qui en solo a publié 7 albums en dehors de son affiliation avec Pink Floyd, bien entendu. Puis je vous propose une pièce tirée de Lock and Strange. Ça, c'est paru en septembre de cette année. Et pour continuer dans la même veine, je vous propose Leon Alvaredo, un guitariste américain qui sonne étrangement comme David Gilmour. On lui connaît 5 albums, dont le plus récent, duquel j'ai extrait la pièce A Day of a Different Sort. Ensuite, ça sera suivi du groupe québécois House, avec un extrait de leur album In the Face of the Unknown. Ça, c'est leur 4e paru le 15 octobre 2024. Et on débute ça auparavant avec David Gilmour. Thank you. Time. next our own. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que vous écoutez une rétrospective de mes albums de rock progressif préférés parus en 2024. Alors, on débute ce deuxième segment avec le groupe ukrainien Carfagen, qui ont lancé cette année un 20e album depuis leur début en 2006. Et l'album qui s'intitule « Land of Chameleons » est sorti le 17 mai de cette année. Ce sera suivi des Suédois Beardfish avec trois extraits de l'album « Songs for Beating Hearts » paru le 1er novembre. C'est leur 9e album depuis leur début en 2003. Mais auparavant, voici Carfagen d'Ukraine. Thank you. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez une rétrospective de mes albums de rock progressif préférés parus en 2024. Je débute ce troisième segment avec le groupe italien Baroque Project et on va entendre la chanson Méditerranéenne. Ça, c'est extrait de leur nouvel album intitulé Time Voyager qui est paru le 3 juin. C'est leur septième album qui, je le rappelle, jouit d'une très forte estime des amateurs de rock progressif. Cet album figure dans le top 5 de la plupart des palmarès individuels de ceux qui participent au sondage sur le rock progressif qu'on voit sur Internet là, en cette fin d'année. On va entendre ensuite le groupe britannique Pure Reason Revolution qui jouit aussi d'un succès d'estime. Ils nous ont offert l'album Coming Up to Consciousness, ça c'est leur sixième en carrière et il est sorti le 6 septembre. Ensuite, on se rend du côté de la Finlande avec le groupe Fouette. Et fait assez rare, c'est un groupe qui a réussi à se classer parmi les premiers, avec un premier album en carrière. Alors, l'album s'intitule Subliminal Message, duquel j'ai extrait la pièce On the Edge of a Cloud. Et pour conclure ce troisième segment, on va se rendre en Suisse avec Monkey Tree, de qui on va entendre un extrait de leur album Welcome to the Machine, paru le 23 février. Mais auparavant, voici le groupe italien Baroque Project. We'll be right back. deader-un, deader-un, deader-un. You're holding for till I'm together. Now heaven feels better and better. It's true. It's cool, it grips you past the mind. There's no one here to worship, just her. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, un petit rappel que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones consacrée à une rétrospective de mes albums de rock progressif préférés parus en cette année 2024. Et on est rendu au quatrième et dernier segment de l'émission. Et pour conclure l'émission, je me dois d'y aller avec une longue pièce de 21 minutes qui représente bien l'essence du rock progressif classique. On entendra l'Américain Neil Morse avec son groupe The Resonance et... la pièce que j'ai choisie, c'est « Eternity in Your Eyes ». Ça, c'est tiré de l'album « No Hill for a Climber ». Ça, c'est paru le 8 novembre. Je rappelle que c'est le 33e album de cet artiste très prolifique. Et là, j'oublie de nommer ses autres participations, là, comme par exemple « Spock's Beard » et bien d'autres. Mais avant, voici un court extrait du nouvel album du groupe québécois « Red Sand ». L'album s'intitule Paint Box, ça c'est paru le 13 septembre. Je vous rappelle que cet album contient aussi une pièce épique d'une durée de 31 minutes pour ceux que ça pourrait intéresser. The light of the world is alive.